tout a un prix. J'ai pas fini d'apprendre, j'écris ces mots en espérant que tu m'attendes. J'ai peur de rien ici à part peut-être de te perdre. Quand je t'imagine dans les bras d'un autre, notre vie de couple affronte cette nouvelle épreuve, loin des yeux, près du cœur, notre amour en est la preuve. J'aimerais tant te faire l'amour comme la première fois. J'ai foi en nous quand la plupart ne croyaient plus en nous. C'est l'estomac noué que j'écris ces quelques mots en quelque sorte. Les bons souvenirs me réconfortent. Ma fâcheuse paranoïa me pousse à la faute. Mais si tu fautes en mon absence, girl, ce sera plus ma faute. En fait, faire semblant, j'en suis incapable. Je suis coupable, capable du pire comme du meilleur, le meilleur. Voilà tout le mal que je nous souhaite. C'est pour la femme que j'aime, signer ton homme qui t'aime.